le pouvoir du crâne ancestral. Je détiens la force toute puissante. Salut Blockbuster, c'est Thomas Croisière. Alors une émission sur les maîtres de l'univers, je veux bien. Mais toujours pas d'émission sur le maître de la chanson française, Michel Sardou. On a eu Muscleur, on a eu Skeletor, on a eu Xor, on a eu le Grand Condor, on a eu Dark Vador, on a Predator, on a Terminator. Ça vient d'où cette mode des années 80 de finir en or? Bonjour Blockbuster. Alors il y a eu tant d'émissions ou de thèmes où j'aurais pu appeler, mais là pour les maîtres de l'univers, je suis obligé de vous raconter mon traumatisme. Quand j'étais petit, j'avais trouvé la base de Skeletor dans les caves de mon immeuble. Et qu'est-ce que j'y ai joué? C'était sans doute le plus gros jouet que j'avais. Jusqu'à ce que ma maman décide un jour, tout simplement, de la jeter, car ça prenait trop de place, et surtout parce que ça lui faisait terriblement peur. Finalement, quand t'as 6 ans, les vrais maîtres de l'univers, c'est les parents. Et si je vous dis en plus que tout ça se passait là-bas, dans la ville que l'on appelle Maison Alfort, Skeletor bouge de là. Par le pouvoir du crâne ancestral, je demande un Blockbuster spécial Michel. Bonjour, c'est la psychiatre de Thomas Croisière. Je voulais m'excuser pour tous les dérangements occasionnés par mon patient sur votre répondeur. Je suis vraiment désolée. On va faire au maximum pour lui confisquer son téléphone. Merci et bon courage surtout. Hein. Par le pouvoir du crâne de Frédéric Degrist, je fais un gros bisou à mon frère Alex Fou depuis l'île de la Réunion. On regardait ensemble ce dessin animé. Lui se prenait pour Musclor et moi pour Shira. Et notre chienne Mado, ben, c'était notre tigre. Merci beaucoup pour tes émissions et continue comme ça. Allez, gros bisous. To be or not to be, not to be. Un feel good movie. Ça aujourd'hui, c'est l'accroche que l'on peut lire un peu partout sur les affiches des dernières comédies à la mode qui occupent les écrans de cinéma. Un feel-good movie, un film qui fait du bien. Qu'est-ce que ça m'énerve comme expression? On dirait un complément alimentaire pour faciliter la digestion. Une comédie feel-good, une chanson feel-good. J'ai même entendu quelqu'un dire un jour, Blockbuster, c'est une émission feel-good. Alors, je vous arrête tout de suite, je n'ai pas pour ambition de concurrencer le Doliprane. Hein. Aucun réalisateur ne fait son film en ayant pour ambition d'être feel-good, pour la bonne et simple raison que si on accepte l'idée du feel-good, ça voudrait dire que le feel-bad existe également. Et à part peut-être Gaspard Noé, rares sont ceux qui vont réaliser un film en se disant « C'est quoi ? Moi j'ai vraiment envie de mettre les spectateurs mal à l'aise en voyant mon film, qui sortent pendant la production et disent à tout le monde que c'est une horreur, comme ça le producteur perdra énormément d'argent et moi je pourrais retourner faire ce qui m'éclate dans la vie, vendre des imprimantes à la Fnac. » Non, en général, un artiste a juste envie de faire ressentir des choses. Tout file, et c'est déjà beaucoup. Good or bad, le reste, ça appartient au public. L'artiste, c'est celui qui joue avec nos sentiments. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Siglist. 7-4-7-4-5-0-5. Bâtiment. Des maximums, bloc 9. Sortie définitive? Anticipée pour bonne conduite. 3 ans sur 5. Une montre Timex à affichage numérique cassé. Un préservatif non utilisé. Un autre utilisé. Un veston usagé noir. Un pantalon usagé noir. Un chapeau noir. Une paire de lunettes noires. $23.18. Signé ici. Il y a des films fruits d'un heureux hasard, une conjonction de talents qui leur confère un statut intemporel d'œuvre culte. Et c'est le cas du film Les Blues Brothers de John Landis. Lorsque Dan Aykroyd et le regretté John Belushi créent les personnages de Jake et Elwood pour l'émission humoristique Saturday Night Live, ils sont loin d'imaginer qu'ils vont créer une sorte de mémoire de tout un pan de la musique noire américaine. Pour revenir sur cet ovni des années 80, j'ai avec moi Grégory Marouzet, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes rédacteur et critique de la revue Revues et Corrigées, une revue trimestrielle consacrée au cinéma de patrimoine, c'est ça? Oui, le cinéma de patrimoine, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est le cinéma qui a plus de 10 ans, mais alors nous on traite de tout type de cinéma, Ça peut être du cinéma d'art et essai comme du blockbuster. Et voilà, cette revue a 3 ans. Le dernier numéro est consacré au Hollywood Breakdown. On y parle d'une période très précise du cinéma américain où pendant 10 ans, Hollywood a complètement pété les plombs. C'est le dossier du dernier numéro. Et on traite de cette actualité riche et variée avec des entretiens, des dossiers, des interviews. Parfait, une revue faite pour nous. Alain Bossuy, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes blogueur sur The Movie et podcasteur sur Be Kind Rewind. Alors The Movie Freak. The Movie Freak. Tout à fait. Et donc j'ai créé mon blog il y a quelques temps qui s'appelle Be Kind Rewind. Je reviens sur les classiques du cinéma. Vous le dites tellement mieux que moi. Ouf. Des années d'entraînement. Ensemble, on va revenir sur la création des Blues Brothers dans le Saturday Night Live, la carrière du réalisateur John Landis, la construction si particulière du film, ce défilé de stars invitées, la disparition de John Belushi suite à ses abus, mais surtout, on va parler de la musique des Blues Brothers et sa mise en image. Allez, comme dit Elwood, pendant une heure, on part en mission pour le Seigneur. Jack Elwood. Kirk. Alors, mes petits gars, ça fait drôlement plaisir de te voir. Vous venez voir quelque chose? Mes enfants, tout va mal. Votre vieille orphelinat va être vendue d'un jour à l'autre. Je vais me retrouver à la rue. L'argent doit être versé à la perception dans 11 jours au plus tard, autrement fini. Tu serais quand même pas dehors. Tu crois? Un vieux nègre fatigué, ça pèse pas lourd dans la balance. Curtis, toi et la pingouine, vous êtes la seule famille qu'on a eue. Et celle qui avait été chic pour nous. Vous nous avez tout appris à chanter et à jouer de l'harmonica et à danser. Mais la sœur Mary a raison. C'est vrai, côté religion, vous êtes rouillés. Allez en vitesse au temple de Triple Rock et écoutez le révérend Cleophas. Et quand je dis écoutez, je veux dire écoutez. L'orchestre. Voyez-vous la lumière? L'orchestre. Voyez-vous la lumière? Quelle lumière? Avez-vous vu la lumière? Oui, oui, oui, par Jésus et Saint Fred Astaire, la lumière, je l'ai vue! C'était un extrait des Blues Brothers et vous avez entendu John Belushi qui interprète Jake, doublé en français par Jacques Dinham, Dan Aykroyd qui joue Elwood qui est doublé en français par Patrick Préjean, James Brown qui est doublé en français par Sadie Rebo, et également vous avez entendu Cab Calloway doublé par Georges Aminel. Donc Grégory Marouzé, est-ce que vous pouvez nous faire un rapide résumé des Blues Brothers pour les 2-3 personnes malheureuses qui ne l'auraient pas encore vu? Une chance de ne pas l'avoir vu. Une chance, oui. Ouais. Ça tient sur un ticket de métro. Ce sont, on peut dire, 2 délinquants. Il y en a un qui sort de prison. Son frère vient le chercher. Celui qui sort de prison, c'est Jack, interprété par John Belushi. Elwood, c'est Dan Aykroyd. Et en fait, ils vont partir en mission pour le Seigneur, tout simplement. Ils vont essayer de réunir le groupe qu'ils avaient fondé, les Blues Brothers, pour pouvoir donner une somme de $5,000 et pour pouvoir sauver cette église, enfin l'orphelinat dans lequel ils ont grandi. Voilà, l'orphelinat dans lequel ils ont grandi, et réussir à monter un immense concert caritatif qui leur permettra justement de sauver cet orphelinat où ils ont passé leur enfance. Alors, les Blues Brothers n'ont pas été créés spécialement pour le film. En fait, ils viennent d'une émission humoristique qui a précédé de quelques années le film. Totalement, ça a été créé en 1976 pour une émission qui s'appelle, qui existe toujours, le Saturday Night Live. Et en fait, au tout départ, Dan Aykroyd devient très vite ami avec John Belushi. Aykroyd est vraiment fan de blues. Belushi est beaucoup plus fan de hard rock. D'ailleurs, John Landis dit qu'il est l'un des seuls à écouter de la musique aussi fort. Et ils vont monter ce groupe pour pouvoir faire patienter le public. Et puis un jour, ils vont incorporer les Blues Brothers à l'intérieur du show, ils vont faire des apparitions, chanter de plus en plus, et ça va donner l'idée à la Universal qu'on produise un film qu'Aykroyd va avoir beaucoup de mal à écrire. Oui, parce qu'en fait, lui, il s'était jamais prêté à l'exercice. Non, c'est la première fois qu'il écrivait un scénario. Il sort un scénario qui fait à peu près 350 pages. John Landis s'est approché pour réaliser le film. Il va réduire tout ça à peu près 120 pages pour faire une durée de 120 minutes de métrage. Le film est un peu plus long, en fait. Il dure à peu près 2h12. Et c'est parti pour cette aventure complètement dingue d'un film qui ne ressemble à aucun autre. Alain Bossuy, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée que les Blues Brothers ne ressemblent à aucun autre film ? Pas du tout. Non, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit. C'est vraiment un film unique. Il n'y a pas vraiment d'exemple. C'est un immense cartoon rempli de cascades, de scènes musicales incroyables, comme on n'en a plus revu depuis, et comme on aurait du mal à en faire aujourd'hui. C'est vraiment, oui, c'est vraiment un film. Et c'est étonnant dès son ouverture, parce que c'est filmé de manière très très réaliste, très très crue, c'est-à-dire que pendant les trois premières minutes du film, on est vraiment, on se dit, mais est-ce que je suis en train est-ce qu'il va vraiment y avoir de la musique? Est-ce que ça va vraiment être une comédie? Parce que le film s'ouvre sur des usines qui déversent comme ça leur vapeur toxique dans le ciel, puis on se retrouve comme ça dans une prison où on a vraiment l'impression d'avoir un film grave. Oui, on a un début qui est un peu glauque quand même, hein, c'est presque, en y repensant, je me disais que c'est un film qui date de 80, mais qui a encore des réminiscences des années 70. Il y a ce côté social, gris, sombre, comme un film de Lumet ou de Pacula, et on ne s'attend pas à voir ça, quoi. On s'attend pas à voir une comédie loufoque, débridée, avec plein de numéros musicaux. C'est vrai que ça commence très... très gris, quoi. Ça très gris. Très, très gris. Et en fait, progressivement, on amène la musicalité, parce que c'est un film où la musique est présente tout le temps, qu'elle soit par le biais de l'autoradio, par le biais d'un disque, d'un 33 tours qu'on va mettre sur une platine ou comme ça. Mais même dès le début du film, quand on découvre le personnage donc de Jake, joué par John Belushi, que l'on ne voit pas, on le voit de dos, mais on ne voit jamais ses yeux, et accompagné par deux policiers, et on se rend compte au fur et à mesure de leur pérégrination dans la prison, que leurs pas commencent à faire une sorte de rythme très très lent, mais qui permet d'amener une musicalité qui en fait ne va jamais s'arrêter. Enfin, c'est la lecture que j'en ai fait. Est-ce que c'est la vôtre également ? Moi, j'ai l'impression que c'est tout à fait ça. C'est un film qui est musical dès le départ. En fait, on en parle rarement comme ça, mais c'est une véritable comédie musicale. C'était l'intention de John Landis. Et effectivement, les pas, c'est musical, le montage est musical. En fait, le rythme, le film n'est que tempo, n'est que rythme, n'est que musicalité. Et c'est vraiment quelque chose qui va être décliné du début jusqu'au tout dernier plan. C'est quelque chose qu'on doit effectivement, bien évidemment, à John Landis, qui sait vraiment mettre en scène la musique. Et aussi, je crois, il faut le dire, à Dan Aykroyd, qui est... on pensait qu'il était assez mauvais musicien, pas du tout, c'est un très bon harmoniciste, et qui a une connaissance aiguë de la musique noire américaine. Oui, d'ailleurs, on va y revenir, mais ça ne se dément pas tout au long du film. Et c'est vrai qu'il y a cette découverte avec ses frères. On sent évidemment la filiation avec Laurel et Hardy, parce que voilà, il y a ces silhouettes qu'on arrive à deviner très facilement, mais il y a aussi ce style, ce look, chapeau noir, lunettes noires, costume noir, et cette ouverture de la prison avec Jake qui est tout seul et son frère est à l'entrée dans cette voiture de police à l'image d'eux-mêmes, c'est-à-dire délabrée, pleine de poussière. On a tout de suite l'introduction de deux personnages extrêmement iconiques, presque de bande dessinée. Les vrais Men in Black, ce sont eux, je pense. Oui, je suis bien d'accord, c'est vraiment ça. Non, ce sont des personnages forts, ils sont totalement iconiques, ils ont un look reconnaissable. Et je crois que l'on soit gamin ou que l'on soit grand, effectivement, tout de suite, dès qu'ils apparaissent à l'image, avec la musique, là on entend en fond, je crois, Peter Gunn, qui avait été composé par Henry Mancini pour une série télé de Blake Edwards. Ils bouffent l'écran, quoi. Oui. Ils bouffent l'écran. Et c'est-à-dire que dès qu'ils sont dans le cadre, et d'ailleurs ce n'est pas un hasard, ils sont au milieu du cadre, on les présente, il n'y a rien autour, ils sont isolés. Et voilà, les Blues Brothers, le titre apparaît, le film démarre et c'est parti. Les Blues Brothers, c'est avant tout une bande-son qui ferait danser un Amish. On écoute leur hymne, « Everybody needs somebody to love ». Cette émission est réalisée par Céline Hila, elle a été préparée par Emma Ferré avec l'assistante de notre stagiaire Robin Souradenac et de notre stagiaire réalisation Véronique Ameyer. We're so glad to see so many of you lovely people here tonight, and we would especially like to welcome Everybody Needs Somebody to Love dans Blockbuster sur France Inter. Salut Jacques. Matt. Salut Edouard. Ça va comme tu veux. Tu es sorti. C'était comment ta tôle? Oh, très moche. Tous les jeudis, ça avait un steak au poivre sans steak. Ah, ça peut pas être pire que la soupe à l'eau qu'on avalait à la maison de redressement. Ou que les cailloux aux lentilles de la prison de Coco. Et où on connaît pas, c'est pareil. Matt, moi et Elwood, nous remontons l'orchestre des Blues Brothers et on a besoin de toi et de Blue Lou. Ah, mec, tu veux que ma bourgeoise m'étripe si jamais elle t'entend? Écoutez, madame, soyez raisonnable. C'est autrement plus important que les petits problèmes domestiques que vous avez à résoudre. Matt, mais qu'est-ce qu'il est en train de me chanter, cet animal? Ne fâche pas, sucre d'orge. Je te vois venir avec tes sucres d'orge, Matt. Et je te dis, c'est fini les tournées aux quatre coins du pays. Et c'est fini la course au cachet, les boîtes de nuit où j'avais honte d'être vue. Tu vis avec moi, hein? Et je te défends de recommencer à battre le pavé avec ta bande de loctus blancs. Mais mon amour, eux, c'est Jack et Wood, les Blues Brothers. Les Blues Brothers. Ah, ils te doivent toujours du fric, imbécile. Madame, changeriez-vous de point de vue si vous saviez que nous demandons à Matt de participer à une sainte croisade? Voyez-vous, nous sommes en mission pour le Seigneur. Oh, pas de blasphème! Vous entendez pas de blasphème ici? Je vous le dis, c'est mon homme et mon restaurant, et vous allez me faire le plaisir de filer tout de suite, vous sans vos tranches de pain de mie tout sec, vous sans vos quatre poulets entiers, et vous deux sans Matt, sa guitare et sa musique. Ah, écoute-moi un peu. Je t'aime, mais c'est moi l'homme ici, et c'est toi la femme, et c'est moi qui décide de ce que je veux faire de ma vie. Avant de dire d'autres bêtises, pense à ce que tu dis. Et pense aussi et pense surtout aux conséquences de tes actes. Oh, la ferme, tu entends? You better think, think, think about what you're trying to do to me, yeah. Think, think, think, let your mind go, let yourself be free. Let's go bang, let's go bang, let's go way on the back wing. I didn't even know you, you couldn't have been too much more than ten. Just stop. I ain't no psychiatrist, I ain't no doctor with degrees. It don't take too much high cue to see what you're doing to me. You better think, think, think about what you're trying to do to me. Nouvel extrait des Blues Brothers où Aretha Franklin est doublée par Marie-Christine Dara et Matt Guitar Murphy est doublé par René Roussel. Alors, j'aimerais que l'on parle un petit peu de la filmographie de John Landis, le réalisateur qui, mine de rien, a défini un pan entier de la culture populaire contemporaine. Oui, alors c'est quelqu'un qui fait partie de la génération des Wonder Boys, un peu comme Spielberg, c'est la même période, hein, Joe Dante, ses réalisateurs. Lui, il signe en 1973 une parodie de King Kong qui s'appelle Schlock. Il interprète lui-même le gorille, qui est créé par Rick Baker, hein, qui va travailler avec lui régulièrement. Et en fait, il va réaliser par la suite des films qui vont vraiment marquer l'inconscient américain, et notamment les teenagers, c'est Hamburger Film Sandwich, qui est une sorte de matrice des futurs films des As, Zucker Abraham Zucker, comme Y a-t-il un pilote dans l'avion, ou d'autres films. Et puis, il réalise... Et American... La Cité de la Peur, ça a influencé, oui, aussi. Les... Ah oui, et le Saturday Night Live, oui, a vraiment beaucoup marqué les nuls. Oui, oui, effectivement. Et il va réaliser American College, dans lequel il va le faire exploser, si je puis dire, John Belushi. Voilà. Et puis par la suite, évidemment, il en arrive... Et après, John Belushi, tout seul, lui, va se charger de s'exposer, malheureusement, voilà, sans l'aide de personne. Voilà, car rappelons-le, voilà, Alain Bossuy, John Belushi nous a quitté suite à un... Oui, il a fini une overdose, en fait, c'est ça. Bon, il était accro à plein de choses, hein. Et pas tout seul, parce qu'il était le compagnon de Carrie Fisher à l'époque. Il l'a suivi aussi sur des pentes dangereuses, quoi. Et c'est vraiment... moi, je trouve que c'est vraiment dommage, parce que c'était quelqu'un... Oui, d'ailleurs, Carrie Fisher de avait demandé à l'époque de vraiment faire attention à ce qu'il ne se drogue pas, oui, sur le tournage, parce que voilà, il va nous lâcher, et effectivement c'est arrivé un peu plus tard. C'est arrivé un peu plus tard. Alors évidemment c'est une sorte de d'icône de l'humour qui a, oui, été fauché en pleine gloire, mais qu'on a quand même pu voir aussi dans le film de Steven Spielberg 1941. Oui, qui était sorti avant les Blues Brothers et qui a été un four intégral. Il se demandait même si Belushi, car sa carrière n'allait pas s'arrêter, vraiment se stopper. Oui. Heureusement, il y a bien évidemment les Blues Brothers qui arrivent. Et pour revenir un tout petit peu, si je puis me permettre, sur la carrière de John Landis, c'est quelqu'un qui n'a pas de chance, j'ai l'impression. C'est quelqu'un qui a travaillé sur des concepts qui étaient très très forts, mais tellement forts qu'en fait, on se souvient des films, en tout cas le grand public. Ou des clips. Ou des clips, bien sûr, puisque c'est lui qui réalise Thriller de Michael Jackson. Il réalise Black or White. Et voilà, il réalise les Blues Brothers, après il réalise le Loup-garou de Londres. En fait, la star du film, c'est le Loup-garou et la transformation, du Loup-garou. Par la suite, Jackson lui demande de réaliser le clip parce qu'il a adoré le Loup-garou de Londres et qu'il a adoré les Blues Brothers. Et bien évidemment, les images sont marquantes, mais ce qu'on voit, c'est le film et on ne pense pas au cinéaste. Oui. Et c'est vrai qu'il a un petit peu une carrière qui ressemble un peu à celle de Joe Dante aussi, où on connaît les films, mais ils ont été un petit peu presque effacés par un des jeunes prodiges de cette époque aussi, qui s'appelle Steven Spielberg, et qui, à la limite, il y a une sorte d'écurie à l'intérieur duquel ils feraient tous partie, mais on rend pas à César ce qui est à César, et notamment le talent de Monsieur Landis. Ben Landis, par la suite aussi, qui réalise des films avec Eddie Murphy. Et avec lui. La superstar des années 80, l'une des superstars des années 80. Et avec Dan Aykroyd, parce qu'un fauteuil pour deux, ouais. C'est Eddie Murphy et Dan Aykroyd. Et c'est également lui qui a réalisé le Flic de Beverly Hills 3, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Qui avait fait Un Roi à New York aussi, le un premier. Un Roi à New York, oui. Un Prince à New York. Un Prince à New York. Un Prince, c'était pas encore roi. Un Roi à New York. C'était un préquel, en fait. Voilà. Oui. Oui, c'était le Prince à New York. C'est pas le Roi à New York. Mais effectivement, oui, il y a eu une suite il n'y a pas longtemps qui a été diffusée sur Netflix. Mais c'était lui avec Amazon. Murphy, oui. Sur Amazon Prime. C'est pas Netflix, c'est les concurrents. Désolé. Je suis confus. Alors, pour revenir au film, ce qui est assez étonnant quand on regarde le Blues Brothers, c'est qu'il, comme on l'a dit, il est filmé de manière assez crue, assez réaliste. Mais dès le départ, il est toujours au niveau des ouvriers. C'est-à-dire que c'est un film qui prend une sorte de malin plaisir à filmer tous les rendez-vous de la culture américaine, mais au niveau vraiment des manutentionnaires, c'est-à-dire le petit café routier, l'hôtel dans lequel des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens vont dormir. Jake et Elwood vivent dans une toute petite chambre juste face à un métro aérien. Et j'ai l'impression, en fait, en ayant revu le film pour préparer cette émission, qu'il y a une sorte de... mine de rien, de critique sociale qui apparaît dans le film et qui est là sans en avoir l'air. Oui, on le voit même, on le voit dans toutes ces petites scènes-là, on le voit aussi quand ils viennent chercher un de leurs collègues dans un super restaurant de luxe, où ils se comportent comme des cochons. Comme des cochons, oui, oui. pour brocarder un petit peu la haute société. Je sais pas s'ils arrivent dans un restaurant new-yorkais, mais enfin, en tout cas, bon, voilà, quand ils interpellent le monsieur qui est à côté avec sa famille en lui demandant « tu m'échanges ta femme ?» Ils se comportent vraiment comme des pourris. Et voilà, on sent quand même qu'il y a une charge par rapport à tout ça. Il y a une façon de montrer, il y a entre guillemets des gens du quotidien qui ont du mal à s'en sortir, et puis bon, il y a... Parce que même les stars qui participent à ce film ne sont pas forcément filmées à leur avantage comme on pourrait imaginer que ça serait le cas avec leur statut. Aretha Franklin, elle est dans un petit resto avec un tablier taché. Oui, oui, oui. On voit Ray Charles pareil qui est prêteur sur gage dans une boutique avec des vêtements tout élimés qui vend du matériel d'occasion. Et pareil, on voit aussi des supermarchés, mais dans lequel John Landis prend un malin plaisir à tout casser. Et donc tout d'un coup, ça, je me suis dit, mais là, il y a quand même une sorte de grosse société de consommation qui est mise à l'index. Hein. Oui, casser l'hypermarché avec des magasins qui étaient réellement construits en dur, il n'y avait pas d'image de synthèse, hein, donc tout a été fait. Alors, les voitures qui étaient là, on a dû faire venir des cascadeurs qui étaient là pour faire la figuration. Vous avez totalement raison. Je crois que c'est la force du cinéma américain et du très bon cinéma d'entertainment américain de dire des choses, et ça a toujours été le cas, en loose day. C'est-à-dire que de manière divertissante, mais que ce soit extrêmement politique. Vous parlez des musiciens. À part Ray Charles, ils les ont eu pour des bouchées de pain parce qu'en fait, ils étaient au plus bas de leur carrière. Donc quelque part, ils sont aussi victimes d'une forme de système, que ce soit Aretha Franklin ou les autres. James Brown, j'ai été surpris, mais avant ce film, il était tombé dans une sorte, non pas d'anonymat, mais de carrière où ses heures de gloire étaient derrière. Ouais, c'est un has-been. clairement. Et le film, effectivement, est une critique sociale. Il filme vraiment les quartiers. Les numéros musicaux sont filmés dans des endroits qui sont peu reluisants. Et à un moment, on a cette scène qui est très marquante, cette séquence où on a Red Charles qui tire sur un gamin qui veut voler une guitare dans son magasin et qui dit « ça me fend le cœur de voir des gamins qui vont mal tourner ». Non, c'est un film qui est politiquement très engagé et qui est pour la cause noire, vraiment en 1980. Quoi. Et film aussi dans lequel apparaissent des néo-nazis de l'Illinois qui font rire, mais en même temps, ça laisse pas du tout de doute quant à ce que pense John Landis et les Blues Brothers sur le parti néo-nazi. Alors, on va continuer notre exploration de la jeunesse des Blues Brothers juste après avoir écouté Les Fous d'Emma Peters, une proposition de notre programmateur musical Thierry Dupin. C'est pas moi qui fixe les règles, mais c'est moi qui tire les cartes. Et si demain tu m'agaces, de ma vie je t'écarte. Y'a pas de place pour les jaloux, les rageux, les envieux. Aimons-nous maintenant, demain j'ai peur qu'on soit trop fieux. Les plus belles histoires sont celles qu'on se fait dans la tête. Dedans je te guette, dehors tu m'arrêtes. Mes plus belles amourettes sont celles que je m'invente. Entrée VIP pour ma tête et si ça te tente, ouais. Faut pas croire ce qu'ils racontent. Ils ne me connaissent pas, gros virement sur mon compte. Non, ça leur plaît pas, mais cherche pas à leur plaire. Ils ne savent pas quoi faire de nous, on est bien trop fous. Ils voudraient nous faire taire, c'est tout, cherche pas à leur plaire. Ils ne savent pas quoi faire de nous, on est bien trop fous. Ils voudraient nous faire taire. Je te quitte pour un seul mot. Je t'épouse pour un texto. Je pleure pour un ciel pauvre. Je tiens plus debout, mon salaud, en cavale dans Paris toute la noche. J'ai bu beaucoup trop de lit, je sais pas comment je vais rentrer. Mais si de tes bras tu me sauves de mon cauchemar, je te jure que c'est la dernière fois que je rentre aussi tard. C'est la terre des terres. Je l'ai promis à ma mère. Oh, c'est la terre des terres. Cherche pas à leur plaire. Ils ne savent pas quoi faire. De nous, on est bien trop fous. Ils voudraient nous faire taire. C'est tout, cherche pas à leur plaire. Ils ne savent pas quoi faire. De nous, on est bien trop fous. Ils voudraient nous faire taire. C'est tout. C'était Les Fous d'Emma Peters. Blockbuster, Frédéric Sigrist, sur France Inter. Alors, l'essentiel des chansons des Blues Brothers provient du catalogue musical Stax, et c'était un catalogue musical qui était un petit peu tombé dans l'oubli. Et je me suis toujours demandé s'il n'y avait pas une volonté de Belushi et d'Aykroyd de servir d'intermédiaire pour être en quelque sorte la mémoire de cette musique. Moi, je crois que c'est totalement ça, car c'est vraiment la passion de Dan Aykroyd à cette musique et ces musiques noires. D'ailleurs, on voit un moment, on les voit insérer une cassette audio Stax dans l'autoradio de la voiture. Mais c'est très, très compliqué. C'est les années 80, 1980, c'est l'élection de Reagan. Et en fait, lui, ils ont vraiment cette ferme intention de faire découvrir et de faire redécouvrir toute cette culture de la musique noire américaine au public blanc, mais les exploitants de salles de cinéma disent non, mais c'est un film pour les noirs, ça, c'est pas un film pour les blancs. Et donc, les Blues Brothers, quand il sort, ne va pas bénéficier d'une combinaison de salles absolument démente telle qu'il pouvait l'espérer. Le film coûte quasiment 30 millions de dollars, ils vont avoir 700 salles. Finalement, John Landis va s'en contenter, mais être extrêmement, et Aykroyd aussi d'ailleurs, ils vont être extrêmement choqués parce qu'ils vont considérer, et ils ont raison, que c'est une preuve de racisme absolu et qu'on en est encore là. Et donc, est-ce que le fait que ces morceaux aient tout d'un coup explosé à la face du monde américain et ensuite au reste du globe, est-ce qu'on peut imaginer que ça se serait passé pareil si ça n'avait été, si ça n'avait pas été porté par ces deux personnages fictionnels blancs? Est-ce que eux-mêmes en étaient pas conscients en se disant ok, on sait que le blues c'est une musique noire, mais il faut que ce soit porté par ces personnages humoristiques qui étaient déjà validés à la télévision pour que les gens qui commencent à s'y intéresser. Quand on sait que James Brown était voilà dans un relatif était tombé dans une sorte de désert, de traversée du désert, c'est quand même énorme quand on sait la star que c'était. Ben c'est très difficile. Il y a eu des stars noires afro-américaines, des gens comme Sidney Poitier. On se souvient de Richard Pryor qui est une, en quelque sorte est précurseur de Eddie Murphy, mais c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Et c'est peut-être pour ça en fait qu'ils font venir tous ces grands musiciens autour d'eux, que Aykroyd veut leur rendre hommage et les remettre en avant, mais évidemment c'est compliqué. Et vous avez raison, les Blues Brothers noirs à l'époque, à mon avis, ça aurait peut-être été de toute façon impossible, et je ne suis pas sûr que la Universal aurait financé le film. Sur MTV, il n'y a pas encore de clip avec des musiciens noirs qui passent à la télévision. Oui, parce que le premier, ça a été Michael Jackson. Oui, c'est un petit peu plus tard. Michael Jackson et Prince qui vont inaugurer, effectivement. C'est la première fois qu'on verra des artistes noirs sur une chaîne consacrée à la musique. Alain Bossuy. Par rapport à cette idée de porte d'entrée de deux artistes humoristes américains qui auraient servi comme ça, qui auraient mis un pied dans la porte pour que justement cette culture qui est américaine soit enfin reconnue, quel est votre point de vue là-dessus? Oui, je pense que c'est... Avec le recul, ça paraît une évidence. Peut-être qu'on s'en est pas rendu compte au moment où le film est sorti. On n'a pas vu enfin, du moins, là, je parle peut-être pas moi, je ne sais pas, mais du moins, c'était peut-être pas forcément évident. C'est vrai qu'avec le 40 ans de recul, mon Dieu, on réalise effectivement que ça a permis de remettre au devant de la scène tous ces artistes-là. Mais c'est vrai que quand on y regarde, ce sont deux, c'est un duo de blancs, quoi. C'est un duo de Wasp, hein. Donc, oui, et puis en plus des artistes alors qui certes jouaient de l'harmonica oui. Et aimaient beaucoup cette musique, mais n'étaient pas des artistes aussi chevronnés que ceux qu'ils mettent en scène sur scène et dans le film. Oui. Et même dans le film, il y a plein de moments où on les voit prendre une position de spectateur par rapport à ce qui est en train de se faire. Et comme si c'était des sortes de maîtres de cérémonie qui disaient voilà, on vous a présenté. Les talents, c'est eux. Oui. Et nous, voilà, on est ces deux clowns, l'Auguste et l'Arlequin, qui vous permettent de découvrir cet univers qui fait partie de notre culture. Oui, tout à fait. C'est comme ce que vous disiez tout à l'heure. En fait, c'est ça. Ils ont commencé au départ. C'était un sketch, hein, au départ, les Blues Brothers. C'était des numéros qu'ils avaient démarrés dans le Saturday Night Live entre 75 et la fin des années 70. Et puis après, bon, bah, ils ont fait, voilà, comme ça a plu. Il y a eu les albums, il y a eu des tournées, il y a eu ce film. Mais c'est vrai qu'à l'origine, ce sont plutôt des fous, quoi. Voilà, pour reprendre la chanson, c'est des fous. Quoi. Mais si on veut pousser un petit peu plus loin, on pourrait presque se dire que les Blues Brothers, c'est la malédiction de deux petits blancs qui auraient voulu être noirs. Oui, j'y ai pensé. Comme la chanson de Nino Ferrer, quoi. C'est un peu ça. J'y ai pensé. Les Blues Brothers ont eu droit à une suite où John Goodman remplace John Belushi. Oui. Et ça, voyez-vous, il y a des gens, ils n'aiment pas. Je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. C'est nul. Non, pas terrible. Zéro. C'est de la merde. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà. Blues Brothers 2000, qui sort également sur vos écrans, avec Dan Aykroyd dans le rôle principal, c'est la continuation du numéro 1. Pff, quel quoi dire. Non, oui, mais je peux dire en deux mots. Oui, c'est vrai que c'était... C'est un film culte parce que ça avait cette espèce de pêche qui mêlait le rhythm and blues, les poursuites en bagnole et un acteur génial, comique, une force de la nature qui est mort malheureusement prématurément, qui s'appelait John Belushi. On a voulu le remplacer, on reprend la même formule et rien ne fonctionne. C'est-à-dire que c'est un film dans lequel, pour la première fois depuis des mois et des mois, je n'ai pas vu une idée originale. Donc effectivement, le mieux, c'est de passer à la musique qui, elle, est intéressante. Un mauvais moment à passer. Alain Bossuy, oui. Qu'avez-vous pensé de la suite des Blues Brothers? Alors, Franchement, j'ai été la voir. J'ai été la voir en salle quand elle est sortie. C'est vrai que c'est une grosse déception. C'est dommage parce qu'il y a plein de bons. Enfin, les morceaux sont bons. Il y a les morceaux sont bons. Il y a Dan Aykroyd qui revient. John Goodman, c'est quand même pas rien. Il y a un acteur dont j'ai oublié le nom. Vous allez peut-être me le retrouver, qui jouait dans Terminator 2, qui a joué dans Brother aussi, mais je ne sais plus, et qui vient jouer avec eux, qui est censé être là-dedans le fils naturel de Cab Calloway, et qui finalement se découvre... Joe Morton. Joe Morton, voilà, c'est ça, voilà. Qui les rejoint. Et ça aurait pu être bien, mais bon, non, c'est pas vraiment ça, quoi. C'est un peu, on n'en parle plus, il passe quasiment, enfin, je ne sens pas qu'il passe à la télévision, ou que même Arte qui avait rediffusé les Blues Brothers n'a pas pensé forcément le glisser après pour histoire de faire une soirée. Pendant très longtemps, c'était le frère de John Belushi, Jim, oui. Qui était censé reprendre le rôle de Jake et finalement ça ne s'est pas fait. Ben, il a bien fait de refuser. Il a bien fait de refuser. C'est vrai. Ouais. Non, mais le moule était cassé. Je pense que c'était, il y a de fausses bonnes idées et puis là c'était vraiment une mauvaise idée. C'est un film unique. Je crois, comme vous l'avez dit au départ, qu'il y a des miracles, il y a des choses qui ne devraient même pas fonctionner. Là, on a à la fois une sorte de film de course de poursuite en voiture, comme pourrait l'être French Connection. Mais de toute façon, la filiation est directe. C'est-à-dire qu'il n'y a que ce film, il n'y a que French Connection qui a présenté des poursuites aussi réalistes et une vraie casse en temps réel que les Blues Brothers. Oui, voilà, il y a ça, il y a Biolite un petit peu avant, mais et là, il mélange ça avec une comédie qui est proche du burlesque, limite du slapstick, vous savez, ce burlesque un petit peu dangereux que pratiquaient des gens comme Buster Keaton. Ou Jackie Chan. Totalement. Et il mélange ça avec une comédie musicale. Au départ, sur le papier, ça ne peut pas fonctionner. Il se trouve que la conjonction des planètes s'est alignée parfaitement et qu'à l'arrivée, on a un réalisateur de génie, qu'on a une musique géniale, qu'on a des comédiens déments, qu'on a un phénomène qui est John Belushi, incroyable. Et en plus, dans le second, ils ont mis un gamin, comme s'il fallait faire venir le public le plus jeune, parce qu'il faut ramener des dollars et engranger des dollars dans les caisses. C'était de toute façon, je pense, une mauvaise idée, et une mauvaise idée pour faire le film, c'était juste pour ramener de l'argent. Le film a coûté 30 millions de dollars, le premier. Le second a quasiment le même budget. Sauf qu'avec l'inflation, les Blues Brothers, à l'époque, auraient dû coûter 60 millions de dollars. Ce qui semble étrange, c'est que quand on voit Blues Brothers 2000, on a l'impression que c'est un tout petit film, beaucoup plus petit que les Blues Brothers. Il paraît minuscule, ce film. Et il y a aussi ce savoir-faire sur le premier qui est assez frappant quand on regarde les images de nouveau. C'est cette manière de composer les plans qui m'a rappelé, pas sur tous, mais sur certains, les mêmes dynamiques des films de Jacques Tati. C'est-à-dire où on est vraiment en cinéma muet, enfin juste avec une bande musicale, et tout ne fonctionne que dans un plan. C'est-à-dire que quand on voit Jake et Elwood devant l'hôtel, avec le personnage dont on va parler un peu plus tard de Carrie Fisher, qui cette femme qui les poursuit et qui n'a de cesse de vouloir les tuer et de les assassiner, qui fait exploser l'hôtel, qui fait s'écrouler carrément tout l'hôtel, et en fait, tout le monde ressort indemne en permanence, avec un petit peu de poussière sur l'épaule. Y a cette idée aussi d'être dans une sorte de dessin animé qui ne dit pas son nom. Oui, c'est vraiment ça. Oui. C'est du cartoon. Voilà, on les voit se relever et pousser comme dans un Tex Avery ou comme dans un Looney Tunes, mais c'est complètement fou, quoi. C'est délirant. Même le personnage de Carrie Fisher, il est totalement improbable. Elle est là, elle est en train de se faire les ongles et en train de lire le maniement du bazooka en dilson ou je sais pas quoi. Ouais, du lance-flamme. Du lance-flamme. Bon, c'est complètement fou, quoi. De toute façon, on n'est pas dans la réalité. Ils ont refait la même chose pour le Blues Brothers 2000. Par exemple, il y a cette voiture volante. La voiture peut faire des trucs complètement incroyables. C'est pas des gadgets, c'est tout. La voiture, elle a des pouvoirs, quoi. Donc, il n'y a pas d'explication. C'est juste, voilà, c'est la magie du cinéma. Et John Landis, Aykroyd, Belushi, ils l'ont tous compris. En fait, ce qui fait plaisir aux spectateurs, c'est qu'à un moment, on regarde des choses qui sont justement pas possibles dans la réalité. Et c'est justement ce qui fait plaisir, c'est qu'au cinéma, on voit des choses qui ne sont pas faisables dans la réalité. Pour le dernier morceau musical de cette émission sur les Blues Brothers, on avait l'embarras du choix dans le film. Alors, il y a eu bagarre, pugilat, jet de café. Et au final, on a choisi Ray Charles et les Blues Brothers. Shake Your Tail Fever. Well, I heard about the fella you've been... been dancing with all over the neighborhood. So why didn't you ask me, baby? Or didn't you think I could? Well, I know that the boogaloo is out of sight, but the shang-a-ling's a thing tonight. But if that was you and me, I'd have, baby, I would have shown you how to do it right. Do it right. Uh-huh. Do it right. Do it right. Tail feather, bend over, let me see you shake a tail feather. Come on, let me see you shake a tail feather. Come on, let me see you shake a tail feather. Ah. On prend toutes tes occasions. Hein, je l'aurais juré. Et vous les prenez à crédit, ça aussi, je l'aurais juré. Mmh, vous êtes bien sur France Inter. Blockbuster. Avec Frédéric Sigrist. Grégory Marouzet, pendant la chanson de Ray Charles, Shake Your Tail Feather, vous me disiez qu'il y avait cette dimension aussi d'enfant dans le corps d'adulte chez les Blues Brothers. Oui, j'ai l'impression que si le film marche avec tout le monde, que ce soit les grands ou que ce soit les petits, c'est peut-être parce que les grands regrettent leur enfance et que les petits sont très à l'aise avec le film. Et peut-être aussi pour ça que le film se passe de génération en génération. C'est-à-dire qu'ils ont une dimension totalement enfantine, mais de sale gosse. On rêve d'être comme eux. C'est-à-dire que lui, au tout départ... Il casse tout. Il casse tout, il casse les voitures, ils n'ont absolument aucun scrupule. Ils viennent, excusez-moi du mot, mais mettre le bordel dans un restaurant, d'ailleurs, avec une scène qui ne se tournerait plus aujourd'hui, quand il dit « Vends-moi tes enfants oui. !» Je ne pense pas qu'on tournerait Vends-moi ça... Vends-moi ta femme et ta fille Je ne pense pas qu'on tournerait ça dans un film en ce moment produit par une major. Et effectivement, même lui, d'ailleurs, Jack, ne sait pas écrire au tout départ... Il fait une croix, et en fait, voilà, ils n'ont pas de limite, ils n'ont pas de garde-fou. Je crois que c'est ce qui libère le spectateur. Et justement, sur cette idée de il n'y a pas de limite, dès l'introduction de Jake, il y a cette ligne, quand on lui rend ses affaires, qu'il ne doit pas franchir. Mm-hmm. Et lui, en fait, justement, il s'en affranchit allègrement, et t'as le policier qui lui dit non, remettez-le derrière la ligne, et ensuite qui lui demande de signer. Mais du coup, il ne se rapproche pas. Il fait la croix en se penchant comme ça pour montrer. Je respecte les règles, mais je fais quelque chose de voilà qui va être au diapason de tout ce que je vais faire dans le film, c'est-à-dire contourner vos règles débiles. Parce que il y a ça en fait qui est pointu du doigt. Bah, le film, c'est quand même un éloge de la transgression, quoi. Et il y a cette scène d'ouverture où ils vont voir la femme, cette nonne qui les a élevés. Où tout d'un coup on a l'impression d'être dans un film d'horreur, c'est-à-dire avec ce Christ très effrayant au haut des escaliers, les marches grincent, et même la mère supérieure se déplace, elle ne marche même pas, on dirait une sorte de vampire, les portes s'ouvrent et se ferment. En glissant comme ça vers l'arrière, c'est l'exorciste. C'est entre l'exorciste et psychose, un peu avec la mère comme ça. Et quand on sait que Dan Aykroyd Freud est très féru d'ésotérisme et de religion, et c'est quelque chose qu'il va encore un peu plus creuser dans Ghostbusters, car il faut rappeler que Dan Aykroyd fait partie des Ghostbusters. Je pense que toute cette dimension religieuse qui existe dans le film, nous sommes en mission pour le Seigneur, ça vient de lui ? Alors, très honnêtement, je ne saurais pas dire. En tout cas, c'est un personnage très particulier, parce qu'en fait, il fait des études très poussées de criminologie. Il s'intéresse vraiment à ça avant de rentrer dans le show business. C'est quelqu'un, en fait, c'est un intellectuel, c'est un cérébral, quoi. Mais donc, vous avez très certainement raison. À mon avis, de toute façon, tout ça, au départ, est amené par Aykroyd, qui pond ce script de 350 pages. Et de toute façon, les références à Dieu, elles sont, alors évidemment, c'est très, très connoté, très connecté. Ça ressemble à des témoins de Jéhovah, c'est assez, ouais, c'est souvent. Et c'est connecté au blues. Mais vous avez raison. Je pense qu'effectivement, quand on voit le film, les références au Christ, à Dieu, c'est le film est parsemé de ses références constamment. Qui est cette fille? Cher Jack, tu es vraiment à ton affaire dans la fange et la boue avec la vermine. Non, t'en fais pas, Elwood. Cher Jack, tu ne vas pas m'échapper cette fois-ci, crois-moi. Comme je suis content de te voir, ma chérie. Tu n'es qu'un innommable porc. Je me suis vouée au célibat pour toi. Je me suis retrouvée à la cathédrale, t'attendant en vain, toujours célibataire, avec les 300 invités et amis qui étaient à ma noce. Mon oncle avait engagé les services des meilleurs traiteurs. Et nous disposions de 7 limousines et de 7 chauffeurs prêtés gratuitement par mon parrain, Pete Rousseau le fou. Aussi, pour moi, pour ma mère, ma grand-mère, mon parrain, mon oncle, et pour le bien commun, il faut que je vous tue. Toi et ton frère. Oh, pitié, sois généreuse. Pitié, pitié, ne nous tue pas. Je t'adore, je t'aime, ma douce, ne me condamne pas. C'était pas ma faute. Oh, misérable Locke. Crois-tu réussir à t'en tirer par des mensonges? Tu m'as trahi, moi. Oh non, c'est faux. C'est vrai, ça. J'ai eu une panne d'essence. Et tous les pneus ont crevé. J'avais pas de quoi prendre le métro, les taxis étaient en grève. Mon smoking avait rétréci. Ma tante a débarqué chez moi. On m'avait volé ma voiture. La terre a tremblé 3 fois. Il y a eu une invasion de sauterelles. Oh, je t'assure que c'était pas ma faute. J'en fais serment devant Dieu. Alain Bossumi. On vient d'entendre les échanges entre Carrie Fisher et Jake, joué par John Belushi. C'est vrai que c'est un des rôles marquants de Carrie Fisher, mine de rien, avec la princesse Leia. Oui, tout à fait. Bah, d'ailleurs, les deux films sont sortis la même année, en 80. Moi, je me souviens le choc. Quand j'ai vu les deux films, j'étais quand même j'étais un petit garçon, voilà. Et je sortais de l'Empire contre-attaque que j'avais adoré. Et en allant voir les Blues Brothers, on me dit bah c'est Carrie Fisher, c'est la princesse Leia. Je pouvais pas le croire, la voir comme ça, être complètement folle dans un rôle complètement, un rôle dur aussi. C'est-à-dire que ce qui peut rejoindre la princesse Leia et le personnage de l'ex-fiancée du personnage de c'est qu'elles prennent les choses en main. Elles prennent les choses en main et elles sont c'est des rough girls avant Sarah Connor ou avant Ripley, quoi, quelque part, enfin non, en même temps que Ripley, on va dire, mais bon voilà quoi, elle se laisse pas faire, mais en même temps à chaque fois il réussit, on voit John Belushi qui réussit à l'embobiner, qui lui fait sa sérénade. Et on vous disiez tout à l'heure, mais c'est vrai que une petite aparté, le doublage en français, les deux voix, je crois que c'est Patrick Préjean, oui. et Jacques Dinan, donc comme vous le disiez pour Jake, les doublages en français sont vraiment très bons aussi. Enfin moi, en tous les cas, c'est comme ça que j'ai vu le film la première fois. Ça n'empêche que effectivement, c'est toujours mieux de le voir en VO, mais ils apportent une petite touche qui est pas négligeable. Qui est pas négligeable. Grégory Marouzet, le leg de Carrie Fisher dans ce film. Parce que on sait qu'elle avait l'habitude aussi de retoucher un petit peu les scénarios. Est-ce que ça fait partie des scénarios sur lesquels elle a travaillé, ou là vraiment elle s'est contentée de faire une sorte de récréation heureuse pour jouer l'inverse de la princesse Leia? Je pense que ça doit être une création heureuse. Et oui, c'était l'inverse de la princesse Leia. C'est 3 ans après le premier, ce qu'on appelait à mon époque la guerre des étoiles. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas persuadé qu'il y ait énormément d'improvisation sur le film, parce qu'en fait, tout le monde dit que John Landis, c'est vraiment Eisenhower, quoi. Et surtout sur un film comme ça, où à un moment, il y a énormément de cascades, il y a énormément de matériel. Alors, elle a peut-être amené dans ses scènes de dialogue des petites micro-choses. Je suis pas persuadé. Ils sont tellement... Aykroyd, Bellucci et toute l'équipe, John Landis, vraiment dans une sorte de perfectionnisme pointu. Je pense que tout devait être extrêmement travaillé. Et c'est aussi très certainement dû au genre lui-même. La comédie, le burlesque, qui demande d'être extrêmement précis. Et justement, pour cette comédie et ce burlesque, je me suis demandé tout du long, en revoyant les Blues Brothers, si la suite la plus réussie aux Blues Brothers, c'était pas tout simplement Sister Act, où on était effectivement dans ce mélange musique noire américaine, comédie et en même temps policière. Mais ça, malheureusement, on n'a pas encore le temps de développer. J'aurais aimé vous lancer là-dessus. C'est la fin de cette émission consacrée au film Les Blues Brothers. Grégory Marouzet et Alain Bossuy, merci à vous. Un grand merci également à Florian de Rémini à la technique et à Raphaël Rousseau au mixage. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20, vous savez comment ça marche, ou sur Twitter avec le hashtag BlockbusterFI. Chers tous, il est temps de prendre congé. Où que vous portiez vos pas, faites pas de dégâts. Rentrez chez vous, rentrez pas, mais restez pas en tout cas. En attendant, allez les gars, foutons le camp. Demain dans Blockbuster, il a été censuré par De Gaulle, interdit par Jacques Chirac, interdit, méprisé par Valéry Giscard d'Estaing et admiré par François Mitterrand. Bref, il est de droite. Michel Houellebecq a perdu contre lui au concours de celui qui ne sourit jamais. Le rappeur Booba est passé plus souvent sur France Inter que lui. Demain, on parle de Michel Sardou. Inter.